Plante cette semaine, assemblage requis. On parle des francophonies qui débutaient cette semaine. Je vous offre une visite guidée d'Internet dans la chronique Geek CNX. Et sans oublier la chronique ton plat favori. C'est assemblage requis tout de suite. Peut-être que si on est chanceux, les petits oiseaux vont venir manger les mouches qu'on a en studio. Ah, c'est effrayant. Je ne vais pas être capable de survivre avec ça pendant 3 heures. Bienvenue à Assemblage Requis, émission estivale en pièces détachées. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Ah, oh, pauvre Stéphanie avec sa mouche. Toi, vous devriez la voir. Elle est en train de la pogne des journaux d'hiver comme ça, puis elle les frappe sur la table. C'est écœurant. Ah, mais sérieusement, là, je vais mourir avec ça. Ouais. Moi, je vais mourir aussi cette semaine, hein, parce que c'est ma semaine sans ordinateur aujourd'hui. Et c'est pas une mission que je me suis donnée de lâcher les gadgets et la technologie. Non, mon bébé est au garage. Ah, oh, si, c'est triste. Mais comment je vais faire pour faire l'émission sans ordinateur? J'en ai aucune idée. Moi, ben, sais-tu pourquoi? J'en ai un à côté de moi, le vrai du studio, fait que c'est un caractère. Quoi? Sais-tu pourquoi je suis triste, moi? Non. Parce qu'on a tellement trop de choses à dire et à faire aujourd'hui. Puis nous voulons en train de parler pendant 2 minutes au début de l'émission. Hein. Voilà. Et on a juste 3 heures. Et Colin. C'est pas assez. Les requins vont nous entendre parler vite aujourd'hui, je pense. Oui, probablement. À venir dans l'émission d'aujourd'hui, on va voir une chronique CNX. Moi, je vais vous faire ça. Je vais faire une visite guidée d'Internet. Donc, un paquet de sites et de choses intéressantes trouvées sur le net cette semaine. Et moi, j'ai ma chronique, ton plat favori. Évidemment, il y a aussi beaucoup de sorties d'albums excellentes cette semaine. C'était vraiment une bonne semaine du côté des sorties d'albums. Il y a aussi beaucoup de spectacles. Entre autres, je l'ai dit tout à l'heure, les francophonies qui commençaient cette semaine. Donc, beaucoup de choses qui se passent cette semaine. Parfait. Et moi, je vais aussi vous faire une chronique. C'est un fait, donc avec des faits divers à raconter comme ça. C'est votre, comme ils disent en anglais, votre chaise longue. Ils disent ça en anglais, hein, une chaise longue? Non. Chaise. Comment qu'ils disent? Ils disent, mais avec un accent. Chaise longue. Chaise longue, je pense. Ouais. C'est aussi un nom de rappeur, je pense, d'ailleurs. Aucune idée. MC Chaise longue. C'est clair. Et c'est Francine. Commençons l'émission d'aujourd'hui avec une fille qui ne s'appelle pas Francine. Elle a un nom. C'est Scarlett Johansson. Eh oui, avec Pete Yorn. Ouais, mais lui, on s'en fout. Ah, c'est pas grave. Et on va aller écouter le classique de cet album-là. Relator? Ouais, un classique pour les palmarès. Ouais. Ouh. Sur C'est fou, dans vos oreilles. I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. You can see that life's for us to talk about. I didn't know what to do, but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you ride home every day. I don't beg, I don't borrow, but still. You don't think that life's for us to talk about. To me, no girl, you don't respect to je danse à peu près comme tu danses. On peut faire un bout ensemble. L'amitié se transforme en amour de temps en temps. On raconte même que c'est comme ce qu'on fait des enfants. Oh, oh, oh, oh. Si je chante moins bien que tu chantes, est-ce qu'on fait un bout ensemble? Si tu trembles bien moins que je tremble, est-ce qu'on fait un bout ensemble? Pour s'aimer, ça prend si peu de choses. J'ai rajouté comme du piano à la fin, comme pour faire cute Saturn. Hein? Ouais, bon. T'es vraiment excellent. Merci beaucoup. C'était Tricot Machine avec la pièce Un bout ensemble de leur album La prochaine étape, et ça, c'est sur le palmarès francophone de CIFU. Et juste avant, on a entendu She and Him avec la pièce In the Sun de leur dernier album Volume 2. Et parlant de Tricot Machine, il y a les Francopholies cette semaine. Ben oui, c'est là que ça commence. Oui, 22e édition, 250 spectacles, beaucoup, beaucoup de monde. 1 million de spectateurs, je pense. 1 million. 1 million de spectateurs. Il y a beaucoup de choix à faire sur les spectacles à aller voir. Ouais, vraiment, là. Sérieusement, là, tu veux-tu que je t'énomme tout de suite ceux qui m'intéressent? Les 280, quelque chose? Non. Non? Pas les 250, mais 250. J'en ai sorti quelques-uns qu'on passe souvent. Le 11 juin, Orange Orange et Sexy Sushi au Cabaret Juste pour Rire. Le 13 juin, Mickey 3D au Club Soda. Radio Radio, Cabaret Juste pour Rire, Monogrenade, Scène Loto-Québec. 14 juin, Mickey 3D encore au Club Soda. Malajube qui va être au Théâtre Maisonneuve. Malajube qui sont vraiment un excellent groupe à voir en spectacle. Ouais. Est-ce que tu les as déjà vus? Plusieurs fois, oui. Ouais, c'est vraiment, vraiment fou. Excellent. Excellent. Après ça, Radio Radio, Cabaret Juste pour Rire. Le 15 juin, Pierre Lapointe au Club Soda. Le 16 juin, même chose pour Pierre Lapointe. Vulgaire Machin qui va être au Métropolis. Cœur de Pirate, The Stills, Dumas et Tricot Machine qui vont être sur la même scène à l'Espace Ford. Et Polype qui va être à la scène Loto-Québec. Aïe, aïe! Ouais, vraiment gros du stock. J'ai hâte de recevoir mon horaire de la semaine prochaine pour voir quand que je vais pouvoir y aller. Tu vas pas aller voir les spectacles que tu veux aller voir, tu vas aller voir ceux qui fit dans ton horaire. C'est ouais, c'est ça, tu sais. Hein? Malheureusement, la job passe en premier. Yeah, Colin. Malheureusement. Ben oui. Mais c'est ça, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Est-ce que tu as l'intention d'y aller, Mathieu? Non. Ah, dommage. Ouais. Moi, j'aimerais ça avoir congé le 16 pour aller voir Cœur de Pirate, de Stills, Dumas et Tricot Machine. Tu sais quoi, moi, c'est bizarre, mais par rapport au spectacle, je suis comme extrêmement paresseux. Vraiment beaucoup, beaucoup paresseux. Moi, que j'aille vraiment extrêmement envie d'y aller, je vais y aller. Sinon, même si j'aime le groupe, je préfère quasiment écouter le CD 30 fois de suite que de voir le spectacle une fois. C'est tellement le contraire pour moi. J'aime tellement ça aller voir des spectacles. Mes moments préférés dans ma vie, c'est tous des spectacles, je pense. Faudrait aller voir des spectacles ensemble. À un moment donné. Il faudrait. Mais sinon, seul, plate. Le seul, t'as choqué. We Are Wolves. Oui, j'ai choqué, mais j'ai choqué souvent. Hein. Ouais. C'est ça qui est plate. Je suis le même, je suis plate. À la dernière minute, c'est comme je suis super pompé pour y aller, puis à la dernière minute, finalement, j'ai d'autres choses. T'sais. Ouais. C'est triste. Ben oui. On va aller justement entendre un artiste des Francopholies, The Stills. Il y a un grand succès sur les ondes de C'est Fou, on le dira jamais assez. À chaque fois qu'on joue de Stills, on le rappelle, ça a été genre la chanson francophone de l'année en année quelconque. 2005. 2004-2005. Et puis la chanson, j'avais dit franco le premier coup, anglo l'autre coup. Fait que deux fois, deux années de suite, la chanson de l'année était de Stills. C'est quand même fort. C'était Still in Love Song et évidemment Retour avec lui. Dire que j'écoutais pas ça dans ce temps-là. Et que tu manquais quelque chose. Mais c'est ça l'idée de C'est fou, hein. C'est un peu le je dirais le but et la phrase qui résume bien C'est fou, c'est que on joue des choses que vous allez beaucoup aimer dans mettons deux ans. On joue maintenant, t'sais. Ouais. C'est ça. Mais le monde s'en rend pas compte. Ben non, parce qu'après ça ils vont dire hey, moi je trippe sur X-Band, tu sais, puis nous autres on va dire faut le retarder, man. C'est parce que c'était genre assez fou il y a deux ans. T'sais. Genre que tout le monde trippe sur Mister Valère et, voilà. Et que moi c'est la trame de fond de mon émission depuis le mois de septembre. Que voulez-vous? Vous êtes en retard. Ben, à moins que. Non, là, si vous écoutez en ce moment, si vous n'êtes pas en retard, vous êtes à l'avance. Fait que soyez contents. Vous pouvez vous vanter de ça. Fait que faites-le. Mais utilisez ce pouvoir que pour le bien. C'est n'importe quoi. On va aller écouter la pièce Retour à Vega de The Stills. C'est n'importe quoi, ça résume Assemblage Requis. Absolument. Vous êtes assez fous, 89,1 FM. Sortir la bête et je sais que tu es des animaux. Encore une fois, Toujours Assemblage Rocky, l'émission estivale en pièces détachées, et on vient d'entendre Sweet and Low de Augustana. Yeah! Yeah! Et avant, c'était ma pièce préférée, je pense, de Malajube, La monogamie. Je l'adore aussi. Très, très bonne. Mais surtout bonne, fait que... Ouais, c'est ça, c'est vraiment dur à choisir. C'est comme choisir sa demi-heure préférée d'Assemblage requis, ça se fait juste pas. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. 89. C'est fou, 89. C'est fou, avant tout le monde. Vous écoutez Assemblage requis. Toujours à Assemblage requis en compagnie de Mathieu Plante et de Stéphanie Gagné. In company. In company. On vient d'entendre Passion Pit avec Moth Swings de leur album Manners. Tu dis ça comme avec tellement de manières. de bonne manière. T'as pointu, ça va-tu? T'es si drôle. Ah, je sais même plus, on dirait. C'est le moment de la chronique que c'est un fait. Donc, on va parler de choses véridiques, véritables et vérifiables. Un peu comme le fait que je suis pas drôle. C'est un fait, on le sait. Tout le monde c'est le fait. Sait. Pas besoin de faire c'est de recherches. C'est vérifiable. T'sais, on fera des recherches là-dessus quand on aura trouvé la cure contre le cancer. Absolument. Tu disais quoi avant que je te coupe? Je disais que c'était un fait, que c'était vérifiable. Véridique et véritable. Voilà. Sauf que tu dis pas dans l'ordre, mais c'est correct. C'est une chose à la fois. Hein? C'est pas ma chronique, hein? Ça paraît-tu? Ça paraît. Savais-tu, j'imagine que tu le savais jusque-là, le détail que tu savais est qu'un cent, une pièce oui. d'une scène, ça vaut plus cher que ça parce que ça oui. coûte plus cher à fabriquer. Tu savais ça? Oui. Bon. Savais-tu que, en tout cas, la valeur des matériaux qui sont utilisés pour faire des cents, c'est 97,5% zinc. Zinc, c'est du fer, ça. Hein? Fer, zinc. En tout cas. Et 2,5% cuivre. Et souvent, ça varie la valeur de ces affaires-là. Donc, le prix du zinc là, a augmenté. Donc, pour faire une scène avant, ça coûtait 90,97 cents, okay? Donc moins qu'une scène. Hein? Et là, en 2007, ça a augmenté à 1,7 cents. Donc, chaque scène vaut 2 cents à faire. Donc, vu que les matériaux coûtent plus cher, vous pourriez peut-être, éventuellement, les faire fondre et les revendre pour deux fois le prix. Mais là, vous pourriez passer 5 ans en prison. Hein? C'est ce qu'on nous rappelle. C'est contre la loi. Ouais. De détruire de la monnaie. Ouais. Contrairement à la croyance populaire, et que là tu vas me dire que tu savais ça, ou que tu pensais ça du moins, que les canards n'avaient pas d'écho quand ils faisaient quack. Non, je savais pas ça. Il y a une rumeur qui court qui dit qu'ils font pas d'écho, mais l'émission Mythbusters, les stupéfiants, là, ouais. On fait le test et puis en fait du compte, ça a un écho, le quack d'un canard, sauf que ça ressemble tellement au quack du canard que dans le fond, tu penses qu'il y a pas d'écho parce que l'écho sonne tellement comme le canard. T'sais. Ok, ouais. Spécial. Allez voir, il y a une vidéo, un petit clip sur assemblagerequis.com qui montre ça. Dans le film Star Wars Empire Strikes Back, là, un des 14 films, là, hein, je les ai pas vus encore. Wow, moi non plus, j'écoute pas ça. Apparemment qu'un des astéroïdes dans Empire Strikes Back est une patate. Une des scènes oui? les plus célèbres d'astéroïdes dans Star Wars Empire Strikes Back, c'est une patate. Quand même pas pire, hein? Ouais. Savais-tu qu'un joueur de soccer, tu connais le soccer, c'est comme un ballon rond? Football, dans certains pays, ils appellent ça football. Là. Oui, absolument. Ouais. Bon. Je vais en parler tantôt. De football? Oui. Ou de soccer? Les deux, parce que c'est le même sport! Voilà! Donc, un joueur de soccer peut courir 10 km en une seule partie. Ça fait plus que 6 000, pour ceux qui parlent en 1000, évidemment. En 2007, Gennaro Gattuso, comme les nouilles. Là. Ouais. Mais c'est pas une nouille, le gars. Continue. De l'équipe AC Milan, d'accord, a couru 10 km en une seule partie contre Manchester United. La Union of European Football Association travaillait sur un système pour calculer la distance là, qu'un joueur pouvait parcourir pendant la partie, jusqu'à la vitesse du ballon, etc., un paquet d'affaires, avec plusieurs caméras. Et le système, apparemment, est précis à l'intérieur de 3%. La marge d'erreur est de 3%. Bon, donc quand même, t'es proche. On dit que 10 km, c'est l'équivalent de courir aller-retour sur 350 terrains de basketball. 350? My God. I know! Donc, les chiffres de Gattuso sont apparemment pas si inhabituels que ça parce que 10 km, c'est pas mal dans la moyenne. Remarquablement, la plupart de ce temps-là, de la distance, est sans ballon hein, parce que le joueur moyen contrôle le ballon pendant seulement 200 mètres, donc 2% de la distance totale qui court. Hein. En plus, on dit que les joueurs de soccer font du sprint, là, entre 800 et 1200 mètres, donc environ, ouais, c'est ça, à peu près ça. Aussi, ils accélèrent 40 à 60 fois par partie et changent de direction à chaque 5 secondes. Wow! Ça dit que en un petit peu plus de 4 parties de soccer, le joueur va avoir complété l'équivalent d'un marathon. Donc, vous vous souviendrez de ça en écoutant le match de la World Cup of... Grace qui... En Afrique du Sud, Mathieu. C'est ça. Toi qui t'y connais tellement en sport. Savais-tu... Savais-tu qu'un cil peut vivre entre 150 et 200 jours avant de tomber? Non. Un cil? C'est pour ça des fois tu perds tes cils. Ça veut dire que ça fait comme 200 jours qu'il est là. C'est comme dégueulasse. Hein? C'est pour ça qu'il faut te laver les cils des fois. Hein? Sinon, ça pue... tu pues du cil, toi. Il me semble que tu pues du cil. Est-ce que tu connais les bonbons? Wintergreen, c'est des lifesavers. Wintergreen sont comme, c'est comme saveur hivernale. Ça goûte la neige. Là. Non. Je sais pas. Quand tu mâches ça, si tu éteins la lumière, apparemment que tu peux voir des étincelles. Suivant. Oui. Suivant. Suivant. Une façon de savoir, et là c'est vraiment utile, tu vas me dire, tu peux savoir si tu es en train de chuchoter ou pas en mettant ta main devant ta gorge. Si tu ressens des vibrations, c'est que t'es en train de parler, sinon c'est que t'es en train de chuchoter. Wow, c'est vraiment utile, Mathieu. Je me suis toujours demandé, mais suis-je en train de chuchoter ou de parler? C'est vraiment n'importe quoi. Ouais, ça vibre. Wow, c'est le fun. Caroline, t'imagines ce qu'on pourrait faire avec ça, cette vibration-là? Hein? C'est ça, suivant. La voix de Mickey Mouse pendant 32 ans, il s'appelle Wayne Allwine. Yeah. Et la voix qui fait présentement Minnie Mouse, c'est Rossi Taylor, qui fait la voix depuis 1986. Ont déjà été mariés dans la vraie vie. Ouais, là, je dis « était marié » parce que Allwine est malheureusement décédé l'an passé. Il était le troisième Mickey Mouse. Le Mickey Mouse original, savais-tu que c'était Walt Disney lui-même et que sa voix était un petit peu plus grave que ce qu'on est habitué d'entendre de Mickey Mouse. Et la voix de Disney était de plus en plus grave avec le temps parce qu'il fumait et ça a affecté sa voix. Ah! Ouais, c'est vrai. Savais-tu que les moustiques peuvent voler à travers la pluie sans se faire frapper par cette dite pluie? Fait que tu te dis, ben, il me semble que quand ils mouillent, les moustiques doivent mourir parce qu'à un moment donné, le poids d'une goutte d'eau sur ton dos, c'est lourd, hein? Hein? Mais non. Ça arrive pas. Ça arrive pas. Ben, peut-être que ça arrive, là, je sais pas. Mais ça doit arriver, je crois bien. On me dit à l'oreille que ça n'arrive pas. C'est selon le site. T'sais. Qui est supposément véridique, vérifiable et... À chaque semaine, je rappelle le nom du site omg-fact.com juste pour que vous sachiez que c'est pas moi qui les invente. C'est sur un site. Et c'est sur Internet. Si c'est sur Internet, qu'est-ce qu'on dit à la fin? C'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Le nouveau film Karate Kid, tu connais ça? Jackie Chan, Karate Kid. Ça va tellement nul. Je sais. Il n'y a pas de karaté dedans du tout parce que c'est un film qui parle de kung-fu. Le karaté, c'est un art martial japonais. Par contre, le nouveau remake de Karate Kid se passe en Chine et non pas au Japon. Et il y a un acteur de Hong Kong dedans, donc Jackie Chan, dans un rôle similaire à celui de Monsieur Miyagi. Par contre, donc, ils utilisent le kung-fu à la place du karaté à cause de où ça se passe. Mais malgré les différences, vu que c'est un remake et non pas une suite, ils ont décidé de lui donner le même nom. Mais ça n'a aucun sens. C'est un film qui s'appelle Karate Kid, c'est du kung-fu, là. Hein? Kung Fu Kid. Kung Fu Panda. Faites-le avec un panda. Puis ça va être beau, tu sais. Faites la suite de Kung Fu Panda. Vous allez pouvoir vendre des jouets chez McDo. Parce que là, des jouets de Jackie Chan, ben, peut-être que ça existe. Il y a sûrement des jouets de Jackie Chan. Probablement. J'en ai pas encore vu. Parlant de McDonald's, d'un restaurant quelconque de fast-food qui sort des hamburgers avec de la viande. Je pense qu'on peut le nommer parce qu'on a tellement parlé de Big Mac la semaine passée que. Parlant de McDonald's, c'est trop donc. Tard. Savais-tu que sur la boîte de McCroquette, tu connais McCroquette, c'est de la viande avec des... Ouais. Sur la boîte de 10 McCroquette, il y a combien de McCroquette? 10? 11. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés, il y a 11 McCroquette. Et là, il y a une photo sur le site, là, allez sur rassemblagerequis.com, cliquez sur le lien. On voit, et avec les chiffres écrits sur les croquettes, combien il y a de croquettes, puis il y en a 11. Je sais pas si ça a été changé depuis, parce sûrement que McDonald's, avec l'argent qu'ils font, peuvent bien se permettre de jeter un paquet de boîtes puis en faire des nouvelles. Ah, c'est sûr. Mais en même temps, tellement personne va s'en rendre compte qu'ils peuvent continuer de mettre 11. Mais maintenant que tu viens d'éclairer tout le monde à Trois-Rivières, tout le monde va le savoir. Ah ah! Hein? Et on dit que je sers à rien. J'ai jamais dit ça, Mathieu. Moi, je l'ai dit plusieurs fois. Ça. Ouais. C'est ça. Le film le plus long qui a jamais été réalisé, c'est The Cure for Insomnia, la cure contre l'insomnie, étrangement, qui dure 5220 minutes, ça veut dire 87 heures de long. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de scénarios dedans, qu'on me dit. Hein. Le film, c'est un poète, L.D. Groben, qu'on voit à l'écran et qui lit un poème de 4080 pages. On voit aussi un petit peu de vidéos genre... ben, pas 3X, mais tu sais... X-rated, donc peut-être violence, des choses comme ça. Et quelques vidéoclips de rock. Et malgré sa longueur extrême, 87 heures, ça veut dire plus de 3 jours et demi en passant. 3 jours et demi, c'est long, en mot à dire. Le film a été joué au complet à sa première au School of the Art Institute à Chicago, en Illinois. Ils l'ont joué au complet. Est-ce qu'il y avait des gens pour le regarder? Je sais pas, mais ils l'ont joué au complet. On sait ça. D'une shot, là. D'une shot. Mais t'imagines s'ils faisaient une série télé avec ça, toi? Il n'aurait du matériel comme Lost, là, ça se regarde bien, ça. Là. Un poète. Ouais. Un ranger dans un parc américain a été frappé par l'éclair 7 fois dans sa vie. Hein. Roy C. Sullivan, qui est un ranger dans un parc, un peu comme dans Yogi l'ours, on s'imagine ce que ça fait. En Virginie, a été donc frappé par l'éclair à 7 différentes occasions. Évidemment, pas 7 fois la même occasion. Hein. Entre 1942 et 1977, il a survécu à chaque fois et il est reconnu par le livre des records Guinness en tant que l'humain qui a été frappé le plus souvent par l'éclair. Évidemment, comment ils ont fait pour savoir ça? Comment ils ont fait pour voir les premières fois? Parce que le gars, j'imagine qu'il a appelé Guinness après une couple de fois. T'appelles pas Guinness pour dire « Hey, je me suis fait frapper une fois par l'éclair. » C'est sûr. Fait qu'il était pas là la première fois, puis la deuxième, sûrement pas la troisième non plus. Là. Fait que... Bref, il est jamais mort. Par contre, fin plutôt triste à l'histoire, il s'est suicidé. en 1983. Peut-être parce qu'il croyait tellement en... ouais, qu'il s'est dit, ben, Colin, si l'éclair me pogne pas, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui marche pas, puis je devrais peut-être me tuer moi-même parce que c'est un signe, tu sais. Je devrais mourir, mais je meurs pas. C'est pas une bonne mentalité à avoir, je pense. Non, je penserais pas, moi non plus. Étrange histoire. En 1898, 14 ans avant que le Titanic coule, Morgan Robertson a écrit un livre qui parlait d'un bateau qui s'appelait le Titan, qui fonçait dans un iceberg et qui coulait. 14 ans avant que le Titanic fasse la même chose. C'est vraiment bizarre. Ça fait peur un peu. Le livre s'appelle « The Wreck of the Titan or Futility ». En plus d'avoir la même fin, donc mon bateau qui crache dans un iceberg et qui coule, le Titan fictif, si on veut, et le vrai Titanic ont d'autres similarités plutôt étranges. Les deux faisaient plus de 800 pieds de long. Les deux, on les disait incoulables, impossible à couler ou peu importe. Les deux sont ont coulé dans l'Atlantique Nord, le North Atlantic, hein, un océan, j'imagine. Et puis, les deux n'avaient pas assez de bateaux, de petits, tu sais, les petits trucs que tu as sur le côté pour que les gens puissent s'en aller avec. Ouais. Bon. Et les deux avaient 3000 passagers. Mais il y a quand même de grosses différences. La plus importante est qu'il y a plus de gens qui ont survécu au coulement, comment on dit ça, du vrai Titanic que le Titan. Bon, hein, quand même. Deux derniers faits, très rapidement. En 1954, Bob Hawke a été immortalisé par le livre des records Guinness, hein, pour avoir bu 2,5 pintes de bière en 11 secondes. 2,5 pintes de bière en 11 secondes, incroyable. Bob est ensuite devenu premier ministre de l'Australie. C'est n'importe quoi. Ben oui, n'importe quoi. Il y a un article sur lui sur assemblagerequis.com, allez cliquer sur le lien. Et pour terminer, l'Antarctique est le plus grand désert du monde, savais-tu ça? Étrange, hein? Tu me dis, mais voyons, mais c'est pas un désert, l'Antarctique, hein? Mais oui. Ben, c'est ça. Les déserts sont des régions qui reçoivent moins de 250 mm ou 10 pouces de précipitations par année. Donc, selon cette définition-là, avec 14 millions de kilomètres carrés, l'Antarctique est le plus grand désert du monde parce qu'il reçoit de la précipitation. Je comprends le mot précipitation. Si on y va selon la définition standard de désert, là, qui veut dire quelque chose de chaud et de sec, hein? Le Sahara est le désert le plus gros. Et selon la définition technique, le Sahara est le troisième plus gros désert après l'Antarctique et l'Arctique, qui est aussi beaucoup plus grand que le Sahara. Voilà. Voilà. C'est de même, ça finit sur un ton sec glacial. De gorge. Oui, glacial, mais de la glace sèche. Ouais. Hey, la prochaine pièce commence avec la pluie, fait que je me suis dit que ça valait comme. Vous avez un lien avec les précipitations. Waouh. Ouais. Tu y as pensé. Yes, Ayer, avec Ambling Hulp. Il y a de la pluie, puis il y a des bloups. De ton assemblage requis. Oh, c'est fou, 89 heures. Perfect. times. But your lows will have their complement of highs. And if anyone should cheat you, take advantage of or beat you, raise your head and wear your wounds with pride. Vas-tu finir par l'écouter, cet album-là, au complet, Stéphanie? Ah, mais il est tellement bon! Je sais pas, t'en fais jouer, hein? What? C'est tellement bon! C'est vraiment bon. Ouais. Excellent, excellent album qui a tellement été pas apprécié à sa juste valeur. Ouais. Ben, c'est un peu comme Assemblage Requis, tu sais. C'est pour ça qu'on met une deuxième et une troisième heure, comme ça, vous allez pouvoir vous habituer puis dire à la fin, hey, Colin, que je viens de perdre trois heures de ma vie, ça. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses utiles dans notre émission, quand oui, même. Oui, comme. Comme dans la prochaine heure, il y a des sorties d'albums. Oui. Il y en a vraiment beaucoup. Aussi, d'ici la fin de l'émission, une chronique geek CNX avec un petit tour du net et un bloc palmarès. Ouh! Ouh! Une première! Ça arrête plus les premières ici, c'est toujours nouveau. C'est ça qui est le fun, tu sais. Tu dis, hey, mais c'est rendu plate. Non, non, non, non. Non, on adore ça. Et oui, t'avais bien raison, Stéphanie. Je suis assez obsessif, compulsif sur la façon de faire l'émission qu'on revient toujours en deuxième heure. C'est vrai. Même si on vient juste de parler de disques, ça en vient, tu sais. Ouais, je sais. Ça s'appelle fermer et ouvrir une autre parenthèse. Et moi, j'oublie tout le temps et je garde mes écouteurs sur ma chaise, sans problème. Mais t'es pas assis sur ta chaise? Non, j'ai une autre chaise à côté de moi. Ah, t'as deux chaises, une chance. Même qu'il y en a plusieurs autres, je sais pas si t'as remarqué, mais le studio est toujours rempli de chaises. Ils servent pas souvent, mais sont là quand même. Ouais, c'est ça. Je suis supposé mettre ma main de l'autre bord pour pas que tu puisses entendre, par exemple. Mais ouais. Donc, deuxième heure, là-dedans, il va y avoir la chronique Geek CNX, il va y avoir les nouveaux TCD. Oui, absolument. Il va y avoir Bidon alors la question. Il va y avoir un bloc palmarès, c'est fou. C'est bien chargé, quand même. Bien chargé. Mais on commence la deuxième heure avec Regina Spector. Oui, une demande spéciale de mes amis Justine Renaud. C'est Us de Regina Spector qu'on a pu entendre dans la trame sonore de 500 Days of Summer. Juste pour toi. Comment elle s'appelait déjà? Justine. Justine. N'importe quoi. Ben oui. J'ai pas ma main. Fallait que je baisse. Pour toi, Justine. C'était cœur. They made a statue of us and put it on a mountaintop. Now tourists come and stare at us. Blow bubbles with their gum. Take photographs of fun. Have fun. They'll name a city after us. And later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to. Then they'll give us a talking to. Cause they've got years of experience. We're living in a den of thieves. Rummaging for answers in the pages. For answers in the pages. Ooh. C'est quand tu dis quelque chose, tu sais que quelque chose va arriver, puis là, finalement, c'est toujours quelque chose d'autre qui arrive. On appelle ça la loi de Mathieu Plante. De quoi tu parles, hein? Mathieu? Le mot le jour de Le Couleur. Assemblage Rocky, émission du... émission du l'été. De l'été. Du l'été en pièces détachées. Du l'été. En un pièce. En un pied. Un pied détaché. Le gauche. C'est n'importe quoi. Ouais. Bref, l'amour le jour. Et c'est sur le palmarès francophone de C'est fou. Palmarès que vous pouvez entendre ici même dans Assemblage Rocky une fois de temps en temps entre d'autres tunes. Hein? À partir de cette semaine. À partir de là, parce que ça me tente. Non, mais c'est mieux pour tout le monde, tu sais. C'est mieux pour moi, parce que comme ça, j'ai pas à venir au travail une deuxième fois dans la semaine. Hein? L'autre chose, c'est bien pour vous, parce que comme ça, vous avez pas toutes les erreurs techniques et le gars qui dit n'importe quoi puis qui se trompe dans ses chiffres pendant l'émission. Fait. C'est toujours bien pour les requins d'entendre les états d'âme de Mathieu. Et voilà, mais je sais, les gens écoutent ça pour mes tranches de vie. C'est clair. C'est ça. Parlant de pas tranches de vie de Mathieu, parce qu'on va penser à autre chose. On va passer à toi. Oui! Hey! Yeah! Hey! On va passer aux sorties d'albums de cette semaine. Il y en toujours a vraiment plus intéressant. Oui, beaucoup de sorties. Oui, et contrairement à d'habitude, contrairement aux rumeurs que je chiale tout le temps contre les albums, non, cette semaine, je chiale pas. Non? Non. Maxime, il dit tout le temps que je chiale, mais non. Tu vas être négative, mais un peu moins que d'habitude. Non, pas du tout. J'ai vraiment des bons albums cette semaine. Je les ai pas tous achetés parce que quand même, on n'est pas tous riches. Mais il y a vraiment... Je m'en suis quand même procuré deux. Mais on va commencer par parler de Twilight. Pour ah, ceux Twilight. Qui n'ont pas écouté la semaine passée, j'en ai parlé, de la trame sonore de Eclipse qui avait été en streaming pendant 24 heures sur Internet. Mais là, il est sorti cette semaine. Alors, il y a vraiment des gros noms comme Metric, Florence and the Machine, Beck, The Bravery, Dead Weather, Bat for Lashes, j'en manque-tu, The Black Keys, Vampire Weekend, Muse, Band of Horses. Je pense qu'il n'y a pas un seul band de... pas bon. Ouais, c'est ça. C'est sans vouloir être méchant pour les artistes qui sont pas bons, t'sais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment tous des bons groupes, mais moi, j'ai pas vraiment aimé l'album parce que je sais pas si c'est avec toi que j'en parlais, Mathieu, du fait que pour Twilight, les artistes font la chanson pour le film. Exactement. Plutôt que le film va fouiller dans une discothèque quelconque. Ouais. Fait que c'est peut-être pour ça que moi, j'ai pas vraiment apprécié parce qu'on voit que c'est... ils ont un peu des barrières. Ouais, là. C'est watered down un peu. C'est comme une version genre, tu sais, tu pognes ton verre de jus puis tu mets un petit peu d'eau dedans, tu sais, ou de l'eau dans son vin. C'est un peu genre, c'est fade un peu. Ouais, c'est ça. C'est, ouais. C'est pas l'essence même de l'artiste parce qu'il faut qu'il se plie aux conditions qu'il faut que ça fitte dans un certain mood du film. Alors, j'ai pas vraiment aimé, mais il y en a d'après moi qui vont peut-être aimer s'ils sont pas vraiment fanatiques finis de ces groupes-là. Comme moi, je suis fanatique finie de Metric, par exemple, fait que. J'ai pas aimé la chanson parce que je connais d'autres choses qui sont vraiment, que c'est vraiment meilleur de Metric. Mais un peu comme les autres albums de Twilight, et je l'ai dit quand c'est sorti, je vais me répéter ici, mais tu sais, c'est le genre de musique qui va plaire aux fans des films de Twilight qui vont dire ah, waouh, mais c'est donc bien bon, mettons OK Go, puis ah, je vais donc aller voir les voir en spectacle, mettons, puis ils vont être comme déçus parce que c'est pas ce qu'ils pensaient que ça allait être, puis sûrement qu'ils feront même pas la toune de Twilight. Ils vont la faire à fin, comme ça, ils vont s'assurer que le monde reste jusqu'à la fin. T'sais. Mais genre. Au moins, l'avantage de ça, c'est que les gens qui écoutent des films comme Twilight, qui sont pas des gens comme nous... Non, non c'est pas vrai, j'écoute Twilight. Je m'excuse. Moi aussi, je l'écoute. Pas par choix. Enfin, bref. Les gens qui écoutent ça peuvent se rendre compte qu'il y a d'autres choses que genre... Jason Derulo. Jason Derulo. Exactement. Ah, mais... Hey, là, c'est rendu que même les artistes pop commerciales disent leur propre nom dans leur pièce. Là. Ouais, c'est parce que vraiment... c'est pas des rappeurs, là. Hein? Tegan et Sarah. Hey, on est écœurants. Hein? Ouais. OK, bref, passons à la prochaine sortie parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, faut pas passer une demi-heure sur chaque, sinon ça finira plus. Ben non, hein, des chroniques finissent plus, c'est rare. C'est, vraiment rare. Alors après, il y a Gordon Downey, l'album Grand Bounce. C'est le chanteur de The Tragically Hip. Alors, je l'ai écouté hier ou avant-hier, quand que je suis allée dans un magasin de musique quelconque. Alors, c'est son troisième album solo. C'est super doux, super vulnérable, mais il faut qu'on soit dans un certain état d'esprit pour apprécier l'album. C'est un peu comme The National, que j'avais fait jouer ici il y a 2-3 semaines. Il faut vraiment que tu sois dans un état d'esprit spécifique pour aimer ça. Triste. Un peu, oui. Suicidaire? Non, pas non. Suicidaire, pas tant que ça. Okay. Mais juste, tu sais, t'as pas le goût de danser et de sauter partout. T'as pas le goût de te brasser les... ange, parce que tragically hip, ça veut dire tragiquement ange. Non, ça veut pas dire ça partout. Non, ça veut pas dire ça. Mais hip, c'est une ange, tu sais. Oui, je sais. C'est ça? Je sais, mais c'est plus hip dans le sens de hip. Non, moi, je préfère dire que c'est un groupe qui parle de ange. C'est n'importe quoi. Alors, bref. C'est vraiment un bon album, mais moi, j'étais pas dans ce mood-là. Alors, j'ai pas acheté les CD, mais c'est quand même super bon. Si vous aimez les groupes comme The National, si vous voulez aller voir de quoi ça a l'air, allez écouter la pièce The East Wind, qui est très bonne. Et maintenant, le CD que j'ai acheté, c'est Tokyo Police Club. C'est bien quand tu précises ça, j'aime ça. Ben oui, c'est parce que ça veut dire que c'est les meilleurs. Ah! Tokyo Police Club avec l'album Champ, un groupe qui avait été un peu post-punk et alternatif, mais là, ils ont viré un peu plus pop et catchy. Ça donne vraiment le goût de taper du pied, c'est épouvantable, c'est vraiment rempli d'énergie. C'est super, c'est vraiment un album pop-punk par excellence. Il y a des claviers, il y a de la guitare, des fois il y a de la guitare plus acoustique, plutôt qu'électrique punk. Il y a une voix qui a pris vraiment de la maturité. Il y a des mélodies qu'on fredonne toute la journée. C'est vraiment, vraiment catchy. Et j'ai vraiment aimé les pièces qui utilisent plus de claviers. Par exemple, la première pièce, Favorite Food, Not Sick et Frankenstein. Et aussi, la pièce que je vais vous faire écouter, c'est une de mes préférées, justement à cause des claviers que j'ai vraiment aimé. C'est Bambi. Oh, Bambi! Oui! Oh. Alors, on va aller écouter Tokyo Police Club avec la pièce Bambi de leur dernier album Champ à Assemblage Requis. C'est-tu qu'elle avait, Bambi? Au Assemblage. Au Assemblage Requis. C'est ça, c'est l'émission comme du couleur. L'été. C'est ça, du l'été. Non, j'allais dire Bambi à la déhanche. Écoute, c'est si bon. Bon, je voulais pas te déhancher, de te déranger. De te déhancher. Ok, on va arrêter. Toujours Assemblage Requis avec Stéphanie et Mathieu. On vient d'entendre la pièce Bambi de Tokyo Police Club dans les sorties d'albums de cette semaine. Personne n'est mort, contrairement à Bambi. Excuse-moi de voler des punchs. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, on va continuer? Oui. Il m'en reste encore deux et une autre surprise tout à l'heure. Ah. On va garder le meilleur pour la fin. Ben là, je veux savoir ce que c'est. Attends. Okay. Attends. OK. Alors, le prochain album, c'est Against Me avec l'album White Crosses. Si vous voulez aller l'écouter, on peut l'écouter en entier sur exclaim.ca. C'est leur album de la semaine, alors on peut tout l'écouter. C'est leur 5e album en 8 ans. Leur dernier album, New Wave, remontait à 2007. Ils ont connu quand même un bon succès avec les pièces Stop et Born on the FM Waves of the Heart, qui étaient avec Tegan Quinn. Et Colin, hein? Et Colin. Et Colin. Et pourquoi j'ai connu Against Me? Évidemment, parce qu'ils chantaient avec Tegan Quinn. Faut dire que Tegan Quinn, c'est Tegan and Sarah, c'est la fille de Tegan. Oui, exactement. C'est pas tout le monde qui sait ça, là. Hein? Non, hein? Ben non. Ensuite, l'album est pas vraiment original. C'est vraiment le classique du groupe punk un peu anarchiste qui vire un peu plus commercial. Et drôlement, ils ont changé de label. Ah. Ils sont rendus sur une major. Une des majors. Ouais. Alors, c'est pas laquelle, hein, c'est ça? Non? C'est drôle, hein, qu'ils soient plus sur une... Non. C'est drôle qu'ils soient plus sur une étiquette indépendante et que tout à coup, leur musique soit plus très bonne. C'est un peu comme Green Day, qui était super punk anarchiste et que là, sont rendus très... Ouais, ils ont leur propre jeu vidéo de... Ouais. De Guitar Hero. Ils sont rendus assez connus pour, hein, tu sais? Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est un peu dans le même genre. Alors, c'est pas super original. Et en plus, la voix de Tom Gebel, qui est le chanteur, sa voix se prête vraiment pas bien à ce qui est plus pop. Il y a vraiment une voix faite pour le punk. Alors, c'est vraiment, vraiment bizarre à entendre. C'est vraiment pas super bon. Il aurait vraiment dû continuer sur la voie du punk. Il y a une pièce qui est un peu plus punk, c'est High Pressure Low, mais on en veut plus. On l'entend puis on se dit, ah, il y a juste celle-là qui va un peu plus loin. Il y a aussi il y a Ache With Me qui est une tentative de balade, mais on n'y croit pas. Ah, c'est pas balade. Non. C'est pas balade. C'est pas balade comme un gars qui aurait le nez bouché. Ouais. Et finalement, il y a Not A Surf, un CD que j'attendais depuis longtemps. C'est If I Had Hi-Fi. C'est un album de reprise, par contre. Il y a 12 chansons, entre autres Depeche Mode, Spoon et Soft Pack. Il y a des chansons qui sont plus faciles à reconnaître, comme celle de Depeche Mode que j'ai vraiment aimée, Enjoy the Silence. C'est super bon. Ce que j'aime, c'est que Not A Surf, ils ont vraiment un son particulier. Et même si on peut reconnaître les chansons comme Depeche Mode, on s'entend que c'est une chanson vraiment connue. Ouais. Mais dans la sûr qu'ils ont vraiment ajouté leur grain de sel puis ils en ont vraiment fait la leur. Là. C'est vraiment, ça sonne comme du Not A Surf. Ils ont vraiment mis leur touche. Et vu que c'est un album de reprise, je pense pas que tout le monde va vraiment adorer l'album, sauf les fans de Not A Surf qui les aiment vraiment. Et je vous conseille, ceux qui veulent l'acheter, achetez l'album physique et non sur, mettons, iTunes. Parce que dans l'album physique, c'est vraiment cool. On peut lire. Ils ont tout écrit à la main. Pour quelle raison ils ont choisi chaque chanson? Mettons, on était dans telle tournée, on a entendu la chanson, nanana. En tout cas, tout plein de petites anecdotes que j'ai vraiment appréciées. Alors, voilà. Voilà. Voilà. Je fais pas de jeu de mots sur Nada qui veut dire rien. Nada. J'allais faire une. Ouais, comme dans Depeche Mode, je connais pas, ça me dit rien. Nada. Tu connais pas Depeche Mode? Non. Oh mon Dieu. Non, ça me dit absolument rien. Ben, je ne sais pas quoi, ce que je fais ici. Ben, je te le demande bien vu. Ouais. Mais ouais. C'est pas grave. Moi, je comprends rien dans ta chronique CNX. Alors, c'est pas grave si tu comprends rien dans ma chronique. C'est correct. Alors, c'est ça. Et on va parler plus tard de la sortie de l'album la plus importante de cette semaine, Hot Hot Heat. OK. On va en parler plus tard. Fait qu'on fait quoi, là? Fait que là, on pourrait aller en musique, hein? Ça serait pas pire. C'est sûr. Ça serait pas pire. C'est une façon de faire comme une autre. Il y en a qui passent tout le temps en pub quand il n'y a rien à faire. Nous autres, on écoute Kaiser Chiefs, ça serait bon. OK. On va aller écouter la pièce Half the Truth. C'est un très bon album. Je me rappelle l'année passée dans les chroniques de Maxime, dans ses chroniques qu'on télécharge quoi, il avait parlé de Kaiser Chiefs. Et j'avais été super étonnée. Je pensais que j'étais la seule à connaître ce groupe-là. Mais apparemment, bon. Non. Apparemment, non. On est dans la minorité, l'underground et le indie. Mais ça veut pas dire qu'il y a personne d'autre. Uh-huh. Comme ça, il y en a plein, plus qu'on pense. Alors, on écoute Half the Truth. Vous êtes à Assemblage Requis, au C'est Fou 89.1, jusqu'à 18h. Ou encore 19h, dépendant. Les gens de la reprise, le samedi. Ah! Bonjour à vous. Yeah. C'est fou. Visitez le www.cfou.ca. 89.1. Vous écoutez Assemblage Requis. Toujours Assemblage Requis avec Mathieu et Stéphanie à l'émission estivale en pièces détachées. Et on vient d'entendre Shout Out Louds avec la pièce Tonight I Have to Leave It de leur avant-dernier album, Our Ill Wills. Oh, que donc oui. Ouais. C'est ça. En passant, allez voir assemblagerequis.com pour les liens de l'émission d'aujourd'hui et pour télécharger la balado diffusion, hein, parce que si vous avez raté un bout excellent de l'émission, il y en a plusieurs. Au moins. Deux. Au moins 6 demi-heures. 6 demi-heures. Ou encore 12 quinzaines de minutes. Ah-ha. Eh oui. Donc, la balado est sur assemblagerequis.com. Est-ce que tu savais que Arcade Fire a commencé leur spectacle cette semaine? Absolument. Je suis sûre que tu étais au courant. Eh bien, pour ceux qui ne pouvaient pas attendre la sortie de leur album le 3 août prochain avec l'album The Suburbs, depuis les spectacles au Théâtre Granada à Sherbrooke, on peut retrouver sur Internet plein de vidéos de fans qui ont pris pendant les spectacles. Alors, si vous voulez entendre des nouvelles chansons autre que The Suburbs qu'on peut entendre sur leur site, faut aller voir sur YouTube. Il y a plusieurs clips qu'on peut voir. Et moi, j'en ai vu plusieurs sur levoir.ca aussi. Alors, faut aller en voir là. Et tantôt, je parlais du de la Coupe mondiale de soccer, oui, de football, Stanley de Green, foot. Oui, oui. Eh bien, We Are Scientists, que ça, tu connais. Oui. We Are Scientists. Ben oui. Ils vont sortir un nouvel album, Barbara, la semaine prochaine. Eh bien, ils ont écrit une chanson pour l'équipe olympique de soccer anglaise pour la Coupe du monde qui va avoir lieu en Afrique du Sud. Ça s'intitule Go England et on peut l'entendre sur somekindofawesome.com. Hey, ça, c'est original, par exemple. Hein? C'est vraiment cool. Ben oui, Go England. Bon, c'est pas vraiment à la hauteur de ce que We Are Scientists fait habituellement, mais quand même, c'est drôle. Oui. C'est sûrement mieux que... que si Jason Derulo en faisait ça, ou la toune pour l'émission de TV avec les équipes de hockey fictives. Ah oui. Ouais, en tout cas. Ou dans le temps que Ricky Martin avait fait une chanson aussi pour la Coupe du Monde, me semble. Ah oui, c'était... Go, go, go! Oui, c'est ça, c'était pas le Final allez, Countdown, allez, ça, non? Allez. Ah oui, oui. Ben oui. Check it, bon, bon. Alors, joie que ce soit We Are Je connais autant Ricky Martin que les sports. Oui. Alors, c'est un plaisir que We Are Scientists fasse ça plutôt que Ricky Martin. Et oui, la pointe. Ouais. Oui. Et We Are Scientists va être en spectacle à la Coupe du Monde. Bon. Ça fit quand même, hein? Oui. Ils vont faire leur spectacle dans une coupe? Je crois pas, mais quand même, on pourrait espérer. Bon. Je sais pas si vous savez, je dis ça, je sais pas si vous savez, mais je vous l'ai jamais dit, donc c'est sûr que vous le savez pas. Mais il n'y aura pas de palmarès assez fou pour le reste de l'été. On fait relâche, là, on est en jeu, jusqu'à l'automne. Et ou plus, on verra. Donc, à la place, on va intégrer... je suis trop transparent, je sais. Donc, on va insérer un petit bloc, une bloquette, si on veut, de palmarès. C'est fou. Un bloquette. Un bloquette. Ben, ce sera comme bloquette. Le couleur. OK. Le bloquette ou le bloquet est. Le bloquette. D'accord. Donc, j'allais dire, on intègre un bloc palmarès c'est fou dans l'émission Assemblage requis. Et puis, cela étant dit, ben, je me suis dit, petite musique appropriée des palmarès c'est fou. Parce que même sans faire d'émission, je pourrais pas me passer de la musique thème des palmarès c'est fou. Elle est si d'autant bonne que ça. Hein? Quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est écouter un petit bloc de nouvelles entrées des palmarès. Donc, on va écouter la plupart, je vous dirais, des nouvelles entrées. Cette semaine, ça va donner que ce sont toutes les pièces parce qu'il n'y en a que trois. Donc, on va entendre du côté francophone la formation Le Volume était au maximum avec leur nouvelle pièce Nadine à la radio. On va aussi entendre Achigan avec Fort dans le fond qui est en 20e place. Et puis, on va entendre la seule et unique pièce qui est nouvelle du côté anglophone. C'est une pièce qu'on aime beaucoup tous les deux. Donc, ça fait très bien dans l'assemblage requis. Ce qui est... C'est quoi? C'est The New Pornographers. Ah! Dis-moi pas que c'est Your Hands Together. Oui! Ah! Je suis contente. Quelle émotion. Hein? Puis c'est là qu'on arrête l'émission. Bon. Oui. C'est très bon. Alors, on commence avec quoi? On commence avec Le Volume était au maximum. Voici Nadine à la radio. Au 89 FM, ça donne bien, hein? Parce que c'est à la radio. Ça. Alors, mettons Le Volume au maximum. Oh, hey! Wow! Ouais. C'est carré, ça? J'essaie d'être comme toi et de faire des jeux de mots plates. Ben, c'est meilleur que l'émission, tu sais. Parce que 3 heures de ça, difficile à écouter. Vous êtes à Assemblage requis sur C'est fou. Elle parle de trucs qui ne tournent. numéro 20. future perfect waiting. You can only cover so much territory across. Melting care rooms at the sun about the things you've lost. Put your hands together for the cause and cure is calling. Put your hands together for the silver bullet falling. The New Pornographers, c'est la pièce Your Hands Together, la pièce presque titre de leur album Together. C'était une nouvelle entrée en 20e place. Avant, on a entendu les deux nouveautés francophones, Ashigan avec Fort dans le Faux en 20e, et le volume était au maximum avec Nadine à la radio en 19e. Voilà pour le bloc des palmarès fous à l'intérieur de l'assemblage requis. Comme je disais tantôt, pas de palmarès fous pour le reste de l'été. Donc, on va essayer de jouer au moins les nouveautés à chaque semaine de l'assemblage requis. Voilà ma mission. Serais-je capable de la faire? On verra. On va voir. Moi, j'ai d'autres spectacles. Tantôt, j'ai parlé des francopholies, mais j'ai d'autres spectacles à vous donner. Nous énumérer, si tu veux. Oui, à vous énumérer, autres que ceux des francopholies. Alors, en région, il y a Arcane et les Dusty Souls qui vont être au Café Zenob le 10 juin. Donc, ce soir. Demain, il y a La Question qui va être au Il Motor. Le 12 juin, il y a Vincent Vallière qui va être au Metropolis. Le 13 juin, et je vais y être, First Aid Kit au Belmont. Eh oui! Dimanche. J'ai très hâte de vous faire un petit compte rendu là-dessus. Le 15 juin au Gambrinus, pour les mardis live, il va y avoir Les Mal Léchés. On a déjà eu le drummer en entrevue ici. Oui. Et le 16 juin, ça j'ai hâte de voir si je vais pouvoir me libérer. Quoique ça donne la même soirée que Cœur le Pirate de Stills Dumas et Tricot Machine, c'est The Greats et The Pack AD au Il Motor. Et justement, à place d'écouter ce qu'on avait dit qu'on écouterait, okay. On peut écouter ça? Ben oui. Parlant de The Greats, on va aller écouter The Greats, hein, tant qu'à faire. On écoutera l'autre affaire après. Est-ce que c'est ironique, tu penses, de s'appeler The Greats? Est-ce que c'est parce que tu penses vraiment si bon que ça? Ou c'est sûrement ironique? Là? C'est sûrement ironique. C'est ça. Alors, on va aller écouter Burn Bridges de leur album Teeth Lost Hearts One. Un album qui a vraiment fait un one hit wonder dans mon cœur. Oui, vraiment. Okay. Ça, c'est la chanson que j'aime. Mais la seule. Non, il y en a deux. Okay. Sur tout l'album. Bon. Bref, on va aller écouter ça. Ça a vraiment l'air bon. OK, je viens de voir l'épellation de Grace, t'aurais pu me le dire. C'est G-R-A-T-E-S. Oui. Bon. Mais bon, si vous aimez ça, vous allez pouvoir aller les voir en spectacle le 16 juin au Il Motor. C'est Assemblage requis, la meilleure émission de tous les temps dans le monde, genre. C'est sûr. C'est avec nous autres. Ah, pourtant. Said I know people on the outside, on the outside. Got my teeth, I'm turning back. If love was an ocean, would you have a swim? Would you have a sail? My man's an ocean, I'm a whale. If God was a gun, would you make it bad? Would you make it bad? Well, God is a gun, does it make you sweat? We'll be right back. deux vieux classiques des palmarès, c'est fou, toi, hein? Tu sais pas ça, hein? Ah, mais j'adore ça. Riot on the Radio ou Riot Radio? Riot on the Radio, Dead 60s. Yeah. Alors ça, c'était Block Party avec Helicopter. Ouais, absolument. Et voilà, c'est la fin de la deuxième heure d'Assemblage Rocky. Il y en a une troisième et dernière qui s'en vient. Là-dedans, il va y avoir ta chronique, ton plat favori. Oui, absolument. On va parler de Hot Hot Heat. Et toi, tu vas nous parler de quoi dans la chronique CNX? Est-ce qu'il y a un terme? Oui, des sites Internet ou des trucs qui se passent en général sur Internet. Oh, et il y a aussi dans la nouvelle question qui s'en vient. Oui, absolument. Je vous laisse languir sur de quoi ils vont parler, eux autres, par exemple. Je vous le dis pas. Le temps des plaisirs est fini. Le temps des plaisirs 89. Bonjour, c'est la troisième et dernière heure d'Assemblage Rocky, émission estivale en pièces détachées avec Stéphanie Gagné, mais aussi et surtout avec Mathieu Plante, qui est avec vous en ce moment. Ne soyez pas confus, il n'y a pas plus d'importance à Mathieu Plante qu'à moi. Je pensais que tu étais parti, par exemple. Tu viens juste d'arriver, ça. Non, je suis revenu. T'es comme un ninja, je t'ai pas entendu arriver. Donc, l'émission se continue pour une dernière heure. C'est un beau sketch, hein? Bon talent d'acteur. C'était vraiment particulièrement réussi comme talent d'acteur, je trouve. Absolument. Ouais. Moi, je connais des bons acteurs, par exemple. J'ai deux très, très bons acteurs. Même je dirais jusqu'à trois. Mais qui donc? Ben, les deux gars de Vidéo à la question et ma tante Frac. C'est évident. On s'en va entendre d'ailleurs l'émission Best Of de ma tante Frac et c'est un spécial Vidéo à la question. Donc j'ai pris les bouts Vidéo à la question et je vous ai mis ça dans un beau petit spécial en deux parties. Et voici la première. Vidéo à la question. OK, là, on tombe dans le vrai de vrai, dans le vif du sujet, dans le spécial Vidon Ladon la question. Yeah. Je vais te faire un flyer, là. Spécial Vidon Ladon la question. Fait qu'il faut que le monde y en ait pour leur argent. Qui arrive dans cette émission-là, ils disent c'est où qu'il y a du Vidon Ladon? Ben, à peu près à 25 minutes. Il va commencer à en avoir. Mais je te remercie beaucoup de m'avoir invité puis me permettre de pouvoir faire jouer des vieilles affaires de Vidon Ladon la question. Parce que, bon, les gens à Trois-Rivières en particulier, parce qu'on n'était pas diffusé à Radio Rock Drummond, malheureusement, mais on était diffusé assez fou pendant au moins un bon deux ans. On remercie beaucoup Mathieu Plante là, qui nous a fait jouer environ 10 fois là, par semaine. Mais il y a des affaires que les gens de Trois-Rivières n'ont jamais entendues. Oui, parce qu'il est plus vieux. Parce que c'est plus vieux que ce qu'on faisait du temps qu'on était sur les radios étudiantes là, partout au travers le monde. Oui. Dans le temps qu'on était juste à Choc FM et qu'on commençait, Mathieu et moi, on a fait un moment donné des appels. On a téléphoné à des personnes âgées pour leur poser des questions sur la sexualité. Puis on a fait un débat entre ces personnes âgées-là. Puis on s'est fait bien gros du fun, puis j'avais envie de faire entendre aux gens ce que ça avait donné. Ça dure 8 minutes. 8 minutes, 8 minutes, mais c'est des vieilles qui parlent de sexe. Ça vaut vraiment la peine. C'est quoi la thématique de l'émission cette fois-là? Là? Je me souviens pas c'est quoi la thématique de l'émission. Mais ça doit être le cul chez les vieilles, je sais pas. Ah, je sais pas, je pense que c'est la sexualité chez les prêtres. C'est une affaire d'argent. Ah oui? Oh, oui, c'est oui. C'est dérivé, là. T'sais. Vous allez voir, là, c'est... Ça rentre aux toasts. Ben on commençait là, le montage à ce moment-là parce que ceux qui... Ah, c'est qui, cool, c'est du vrai, de vrai vintage, là, du nid. Tu sais, là, la barre, le root. On commençait à faire du montage, on n'était pas super bon, pas super à l'aise, on cherchait. C'est dans le temps que tu enregistrais un MP3, genre. Ouais, j'enregistrais un MP3, j'exportais, puis là, je réenregistrais un MP3. Fait que ça sonne vraiment là, cacane, là, puis ça, c'est super cristallisé au bout. Mais ça vaut la peine, là, des vieilles qui parlent de cul pendant 8 minutes. Yes, sir, on écoute ça à l'instant sur CFOU 89.1 FM. Et Radio Rock Drummond. C'est là, .com. .com. Ouais, c'est ça, merci. Toujours évident là dans la question sur les ondes de Choc FM d'Alternative Urbaine. Et là, c'est le temps de jouer à un jeu avec nos personnes âgées. On va faire un débat, mesdames et messieurs. Dis-moi, grand-maman, ce que tu penses de ça? Oui. Et comme le thème du débat le fait si bien entendre, on va faire parler nos personnes âgées pour leur demander ce qu'ils pensent de ça. Et donc, pour jouer avec nous, on a donc 8 personnes âgées au bout du fil qui vont jouer avec nous, qui vont nous donner leur opinion sur une question. Donc, pour être certain de bien vous reconnaître, on vous a chacun assigné un buzzer. Donc, je vais vous nommer votre nom et vous allez faire entendre votre buzzer, s'assurer que tout est en règle et que tout fonctionne. C'est compris? Alors, Madame Mongeau. Hello. Vous allez bien, Madame Mongeau? Oui, ça va bien. Faites-nous entendre votre buzzer. Parfait. Maintenant, Madame Servery. Votre buzzer? Merci. Madame Ruelle. Oui, allô? Votre buzzer. Madame Tondreau. Hello. Votre buzzer. Madame Hervieux. Hello. Votre buzzer. Monsieur Fénelon. Bonjour. Votre buzzer. Monsieur Rémillard. Oui, allô. Votre buzzer. Madame Etu. Oui, bonjour. Votre buzzer. Merci. Bon, tout est en règle. Je vous annonce la question. Plutôt, vous êtes déjà au courant, mais c'est les auditeurs à la maison qui, eux, ne le sont pas. Donc, la question est celle-ci. Devrait-on élargir la définition de péché de la chair et inclure là-dedans la possibilité pour les prêtres de faire des orgies à l'intérieur même du presbytère? Oui, êtes-vous d'accord avec ça, Mme Tondreau? Non, parce que encore là, ça veut dire, c'est comme si renonce le célibat, ils sont déjà mariés avec, techniquement, ils sont déjà mariés à Dieu. Donc, un prêtre pourra pas participer à une orgie? Madame Hervieux. Bon, s'il fait ça secrètement, pourquoi? Si c'est un plaisir pour lui. Non, je vois rien de mal dans ça. C'est son corps. Hey, wow, Madame Hervieux, pour une personne âgée, vous en êtes rendue là. Oh, puis vous, Madame Mongeau? Non, moi, je suis pas rendue là, non. Pourquoi? Non. Monsieur Rémillard. Oh, ben ça, c'est le problème. Si on a envie qu'il le fasse, ben, on t'accueille. Ça dépend encore, c'est sa vie privée, ça, que je sais pas, moi, quoi. Donc, on laisse les prêtres avoir des orgies dans le presbytère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose? Oh! Madame Sergerie! Ben, je dirais non. Ben là, c'est soit oui, soit non. Il n'y a pas l'air d'avoir de zone grise, là. Oh! Madame Etu? Je n'ai pas d'objection à ça, si advenant que c'est accepté par l'Église, mais ça envahira leur vie plus. Mais de toute façon, je n'ai pas aucune objection de ça. Ben là, je veux être certain que vous compreniez, parce que là, quand on parle d'orgie, là, je parle pas de manger jusqu'à ce qu'elle se fasse vomir. Là, je parle qu'on rentre des femmes là-dedans, puis que c'est une grosse partouze. Là, c'est des femmes sexuelles là, qui vont avoir des rapports intimes avec eux. Là. Nerveux. Mais ça compliquera peut-être, là, les femmes. Quoi, c'est parce que vous pensez pas qu'il serait aussi bonne que des hommes pour leur faire une fellation? C'est pas parce qu'elle fera pas aussi bien, mais il y a tellement de des à côté à ça. De quel à côté vous parlez, là? Là, il y a des maladies qui viennent avec ça. Là, c'est trop libre, là. Puis là, les hommes, vous, qu'est-ce que vous en pensez, là, des femmes dans une orgie de prêtres? Pensez-vous que ça a de l'allure? Ouais. Monsieur Fénelon! Une femme, ben, j'ai rien contre ça. Ils font bien leur job. Comprenez-vous? C'est ça, c'est celles qui ont le... Ils sont très catholiques et puis ils croient à Dieu et tout ça. Je n'ai rien contre ça. Donc, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, là, vous avez rien contre une femme qui suce une queue de prêtre, là, en autant qu'elle croit en Dieu. Bah. Oh, Madame Sergerie, vous avez quelque chose à dire sur les femmes dans les orgies de prêtres? Ils peuvent être là. Il y en a qui sont très, très bonnes, qui sont fameuses là-dedans. Ah, c'est vrai qu'il y en a qui sont bien, bien bonnes là-dedans. Là, mais justement, est-ce que ces femmes-là devraient s'imposer et dominer les prêtres ou bien devraient juste être là pour être passives et recevoir ce que le prêtre a à lui offrir? Là? Oh, mamie, es-tu? Vous savez, on traîne toujours, nous, les femmes... Le fait de l'acte sexuel. Parce que, comme on dit, excusez-moi, je vais utiliser, là, c'est peut-être que dans l'acte sexuel, c'est toujours l'homme qui a l'autorité. Ah, si vous voyez ça, figurez ça, tout simplement. Une femme, c'est toujours le dessous, si vous voulez. Moi, je pense qu'il faut rester en ça, dans ces états d'attitude-là. En tout cas, j'aime bien ça, votre point de vue, Mme Etu, d'amener du renouveau là, dans la vie des prêtres, là, tout en conservant des éléments de la tradition. Si on médite là-dessus, on vient après une pause musicale avec notre débat. Dis-moi, grand-maman, ce que tu penses de ça? Avis don la question sur les ondes de Choc FM, l'alternative urbaine. De retour à notre débat. Dis-moi, grand-maman, ce que tu penses de ça? Donc, on a parlé des femmes des orgies de prêtres, mais il n'y a personne d'entre vous qui a souligné le fait que les prêtres étaient pour peut-être être en contact les uns avec les autres et finir éventuellement par s'entrecrosser, là. Ouais. Mme Mongeau! Ah, ça, c'est gay, là, ouais. Oui, c'est gay, ça. Ouais. Mme Ruelle! Dans le civil, j'ai aucune objection, mais entre prêtres, me semble que non. Donc, dans le fond, vous, ce qui vous choque, c'est que ça soit deux prêtres. Là. Si c'était deux gays normaux, ça vous dérangerait pas. Voilà. Oh, Monsieur Fénelon, est-ce que vous partagez la même opinion que Mme Ruelle? Non, je compte pour ça. C'est pas de bon sens, parce que c'était... Moi, d'après ça, là, d'après moi, là, c'est un défaut énorme d'un gars qui fait ça. C'est pas vrai, ils viennent pas au monde de même, parce qu'ils ont été agressés dans le temps qu'ils étaient venus. Donc, là, ça vous choque là, que les prêtres s'entrecrossent. M'en mets-tu? C'est moi, la masturbation, je prends ça comme une préparation au geste. Pas plus que ça. Vous parlez de préparation, là, vous parlez d'une préparation à la sodomie ou à un deep throat, là, vous savez, lorsqu'on rentre un pénis là, dans sa bouche jusque dans sa gorge? M'en merveilleux! Là, c'est profond, là. Bon, oui, c'est profond, mais bon, j'ai l'impression qu'on s'égare un peu. Donc, écoutez, je vous lance une autre question. Là. Les prêtres, là, avec toutes les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui, là, pourraient avoir accès sur Internet à des images de films d'orgie de prêtres, là, si on y pense que c'est légal. M'en merveilleux encore. Ça peut être mal jugé. Ça peut. Oh, ça, c'est vraiment délicat, là. Ben, vous dites que c'est délicat, là. Moi, je regarde ça. J'ai pas l'impression que ça pourrait venir altérer leur rapport avec les paroissiens. Mme Ruel. Ben, il serait peut-être moins disponible. Quoi, vous pensez qu'il passerait tant de temps que ça à se masturber sur Internet, Mme Sergerie? Oh là là, je sais pas là, je pense bien que c'est chacun sa conscience. Monsieur Rémillard. Je vois pas de péché sur la terre. À ce point-là, m'amènes-tu? Si lui peut regarder de la pornographie, ça m'a dit, comme on dit des fois, les pensées des autres, on n'a pas à les contrôler. Je sais pas, moi, ça dépend qu'est-ce qu'il en fait, tu veux dire ça. Dans ce camp, t'es dans, toute seule, dans sa chambre, pourvu qu'il se fasse pas ça avec d'autres, puis faire le mal avec d'autres. Il a le droit d'avoir des sensations comme n'importe qui. Il prend où il voudra en lisant un livre cochon, pour dire le mot connu, ou la pornographie, c'est ses problèmes à lui. On n'a pas à juger ces choses-là. Êtes-vous d'accord avec ça, vous, Mme Tondreau? Non. Pourquoi? C'est ça, ça passe des règlements de. Quand ils font le papier, il faut que tu renonces, tu fais le célibat, donc. Les péchés de la chair, t'as pas le droit. Ah, j'aime ça, ça devient vivant, ce débat-là. Madame Messieurs, c'est à vous. Premièrement, c'est une chose qui doit se faire dans l'intimité. Puis ensuite de ça, c'est pas une chose que. C'est pas une chose qu'ils font devant le monde. Ça, c'est le. Mais oui, mais pas en public, là. C'est... Il devrait, se doit de donner le bon exemple. Mais le restant, il est libre comme vous et moi de faire sa vie. Qu'est-ce qu'ils font dans leur lit, c'est pas mes affaires, là. Mais là, si c'est les carmettes, c'est pas mes affaires, là. Tu sais, c'est l'argent qu'il faut. Parce que c'est Internet, il faut qu'ils payent pour le câble. Le câble, c'est nous autres qui. Tu sais, c'est les. Monde qui paye pas quasiment, là, tu sais. Donc, pour résumer ça, Mme Tondreau, là, vous n'êtes pas d'accord que les prêtres se masturbent là, en regardant Internet? C'est ça, en plus, c'est un vice. Mais oui, mais il pourrait peut-être en parler là, à Metz, là, juste question de dire que ça existe. Oh, mais m'es-tu? Pour alimenter son sermon, mais par contre, je ne vois pas que le prêtre soit obligé d'étaler sa vie, pas plus qu'un avocat. Oh, Mme Tondreau, le mot de la fin? D'en parler, oui, mais de là, de le faire, c'est notre affaire. Merci d'avoir participé à... Dis-moi, grand-maman, ce que tu penses de ça? Sur les ondes de Choc FM, l'alternative urbaine. Ouais, non, on n'est pas sur Choc FM, là, je m'excuse, on est dessus. C'est fou, 89 FM, et dessus Radio Rock Drummond. .com. Hey, c'est hardcore, ça. C'était assez élevé, ouais. Ouais, mais il y a beaucoup de travail là-dedans, là. Il y avait beaucoup de stock, on avait vraiment beaucoup écouté des personnes âgées pour pouvoir réussir à changer ce qu'ils disaient. Bon, on a vraiment trippé. Il y a encore des phrases là, tirées de ce débat-là que moi et Mathieu, on utilise dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est vrai, moi, ça me rappelle des. Ça me sonne des cloches. Ça va sur Internet, là. Puis il y a une madame Tondreau, là, elle s'exprimait vraiment tout croche, là. Parce que là, finalement, c'est le monde qui paye pas, là. C'est quasiment le monde qui paye pas, là, tu sais. Quasiment le monde qui paye pas, là, tu sais. Je sais pas combien de fois qu'on a dit ça dans notre vie. C'est ça, pis c'est tout. Non, c'est ça, pis c'est tout. Parce qu'on a eu ben du fun. Ah, puis il y en avait une des madames qui était particulièrement ouverte d'esprit. Je l'aime beaucoup, celle-là. Je me rappelle pas de son nom, mais la madame là, qui parlait de livres cochons. Ouais. Elle les était livres hot. Cochons pour la pornographie. Elle l'aime bien, moi, cette madame-là. Donc, pour vous remettre en contexte, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est une capsule de Dans la question, comme à toutes les semaines ici à Assemblage Requis. Mais celle-là, c'est un remontage par moi-même d'une émission spécial de Vidéo à la question à ma tante Frac, qui était une émission qu'on avait ici assez fou. Donc, allez voir sur frac.qc.ca. Le lien va être là pour écouter l'émission complète qui incluait des meilleurs moments de l'émission de ma tante Frac aussi. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, on a entendu des extraits de l'émission à Choc FM dans l'émission à Radio Rock Drummond et C'est fou, dans Assemblage Requis sur les ordres de C'est fou. C'est le fun, hein? C'est des cœurs, hein? C'est comme une formule mathématique. Ouais. C'est super le fun. Et la semaine prochaine, ça va être la deuxième partie de ça. Et ce qu'il va y avoir de spécial, et je vous le réexpliquerai à ce moment-là, c'est que l'émission a défoncé. Donc, le ma tante Frac a fait une deuxième partie d'émission avec le contenu de la deuxième émission de Best of de ma tante Frac de Vidéo à l'occasion dans la deuxième émission. Fait que là, il va comme résumer le fait qu'il avait dépassé dans son temps dans sa chronique qui va être dans l'Assemblage Requis. Ça va être le fun, hein? Trippant. Incompréhensible. J'aime ça de même, moi. on le sait. Ouais. On va entendre un petit peu de Polype à Assemblage Requis. Why not? Why not peanut? C'est laquelle que tu peux encore entendre? C'est Quoi dire, c'est quoi ça? Dire? C'est la première de l'album qui se nomme Tropique du cancer et qui est très bon à écouter, cet album-là, je vous dirais, moi. Alors, on écoute Polype à Assemblage Requis sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. RadioRockDrummond.com. Non, pas sur RadioRockDrummond, par exemple. C'est pas assez rock. Yeah, I can empower you.

Goddess on the Prairie. C'est très bon. C'est Hot Hot Heat, Chaud Chaud Chaleur. Chaud Chaud Chaleur. Avec Future Breeds. Et voilà, c'était Breed, mon plat favori de cette semaine. Breeds, c'est comme des sortes d'animaux, c'est comme des races. Hein? Oui, c'est des races. Race future, mettons. Oui. Future race. Future race. Et puis c'est en anglais, c'est comme à l'envers. Oui. Ouais. Mon coup de cœur à moi, Stéphanie, vu que tu me le demandes. Oui, je te le demande, Mathieu. C'est quoi ton coup de cœur cette semaine? C'est un article que j'ai vu sur BuzzFeed.com qui nous parle de 6 choses que l'huile, tu sais, l'huile de BP, le British Petroleum, qui était dans l'eau, il y a comme de l'huile, il y a eu une fuite, puis là, ça prend super longtemps qu'il répare la fuite. Oui. Bon. Donc, avec tout ça, dans le golf, là, c'est eux... Attends, je vais lire l'article comme fou. Là. Selon certains estimés, le dégât est d'environ... 1 050 000 gallons par jour. Ce qui veut dire que jusqu'à maintenant, et là, en date de l'article, là, il y a 2 jours, il y avait environ 50 millions de gallons qui flottaient dans le golfe du Mexique. D'accord? Donc, c'est un estimé très, très, très, très flou et lousse, là, parce que BP parle de plusieurs barils par jour. Hein? C'est un petit peu obscur comme chiffre. Donc, selon l'article de BuzzFeed.com, ils disent que... ils demandaient combien il y avait de gallons dans un baril d'huile. Il y en a 42 gallons dans un baril d'huile. Bref, prenons ce chiffre-là. Les 50 millions là, de gallons. C'est beaucoup de zéros quand même. Donc, ça nous dit que c'est assez d'huile pour fournir en électricité l'Empire State Building pour les 50 prochaines années. 50 ans. Mon c'est Dieu! C'est beaucoup d'huile. C'est beaucoup? Dans de l'eau, avec des animaux, etc. C'est vraiment atroce. C'est assez pour fournir en électricité 183 000 maisons par année. Ça, c'est une ville environ de la grosseur de Knoxville au Tennessee. Uh-huh. C'est assez pour produire environ 22 millions de gallons de gasoline pour votre voiture ou assez pour la population entière de San Diego en un an. Ça, c'est si tout le monde conduisait leur voiture 24 heures sur 24. C'est l'enfer. Uh-huh. C'est aussi assez de gaz pour permettre à une Toyota Prius 2010 de conduire pendant 1,1 milliard de milles, ce qui est environ 6 voyages aller-retour vers le soleil. Hein? Oui. Sinon, c'est encore... Là, on parle encore de l'huile qui a été déversée dans le golfe du Mexique, ici, par BP. C'est assez pour fournir en électricité toutes les voitures de la série NASCAR Sprint Series pendant presque 163 ans. C'est l'enfer! C'était cœur, hein? Et finalement, c'est environ le 1/17e du gaz que le pays, les États-Unis, utilise en une seule journée, donc 378 millions de gallons. Alors, en tout cas, c'est beaucoup de chiffres. C'est mêlant, je trouve. Mais tout ce qu'on veut dire, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile dans beaucoup, beaucoup d'eau et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Et c'est atroce. C'est ça. Voilà. C'est l'article sur BuzzFeed.com. L'article est sur assemblagerequis.com. Et c'est ton plat favori, ça? Non, c'est déprimant. Oui, je sais que c'est déprimant. Mais c'est mon article préféré qui met les choses en perspective et qui montre comment que c'est que grave, tu sais. Assez, ouais. Voyons. Avant de repasser en pub... On va retourner entendre une autre pièce de Hot Hot Heat parce que c'est juste trop bon. La première, s'il te plaît. La première. YVR. La première. Oui. YVR. Ben, tout de suite, puis après ça, ben, d'autres affaires à Assemblage Requis. Hein? D'autres affaires. Yeah! Nous autres aussi, on peut être flou des fois en disant qu'il y a d'autres affaires qui sont là. Tu vois, c'est trop dansant. Cool. C'est tellement chaotique, j'aime okay. ça. Monte ta chaise. Go. OK, on monte nos chaises. Tonight. So we head to the pit of shame.

c'était ben quoi oui. ça, Mathieu? Ça finit même, cette pièce-là, toi. Ça devait continuer dans l'autre pièce après. Ouais, ça, doit. Ça, ça finissait dans l'autre. Ah. C'est le même, ça. C'est le même. C'est des choses qui arrivent. Ben oui. Ouais. C'était quoi, donc? C'était Kazabian. C'est ça, bon. Avec Where Did All The Love Go? Je sais pas. Ah. J'ai pas rendu. On va aller avec quelque chose que tu connais plus. Plus que... Kazabian. Plus que Kazabian. Plus que la... Je pensais dire plus que l'amour, hein. Je trouvais ça un petit peu rough de ta part. Hein. Ah, c'est la chronique technologique scénique, ça. Autour du net. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu cette musique-là d'Autour du Net, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait les chroniques Autour du Net dans CNX, donc on va se taper une petite visite guidée des différents internets, des différentes séries de tubes et de tuyaux, de, comme dans Yogurt, Yogurt, Tube, Yogurt. Je comprends jamais dans cette. La pub là, de Yoplait, les Go-Go Tube, Yogurt de tubes, là, dans hey, un genre de. Hey, passe, c'est sûr qu'il a pris mon tube? Moi, non. Quel tube? C'est quoi qu'a dit la fille à la fin, Yogurt, Yogurt, de Yoplait? Je sais pas. J'ai jamais compris. Avant d'y aller avec ce qui s'est passé sur Internet, une des choses qui se passe en fait sur Internet aussi, c'est les gens parlent de cette nouvelle-là. C'est un petit retour sur la semaine passée, c'est quand je t'avais dit qu'il y avait une compagnie Foxconn, que Apple et d'autres compagnies engageaient pour faire différents produits pour eux, et qu'il y avait des gens qui se suicidaient là-bas. Oui, rappelle? Oui, oui. Bon, c'est juste que je dise le mot suicide. Ouais, mais là, je m'en rappelle. Donc, à une rencontre qui s'est passée récemment, Foxconn a révélé qu'il n'allait pas finalement compenser les familles des employés morts. Ça va essayer de décourager... Enfin, il voulait essayer de décourager les suicides en offrant plus d'argent, une augmentation. Mais tu sais, les gens vont se suicider pour que leur famille ait de l'argent. Ben, c'est exactement ça, ouais. En fait, ouais, ouais. Ils ont montré, en fait, du compte que en fait, c'est beaucoup d'affaires en même temps, là, mais l'argent, le montant était équivalent à 10 ans de salaire. C'était apparemment une motivation majeure pour les suicides. D'ailleurs, il y avait une lettre d'un des hommes qui s'est suicidé qui disait « Maintenant, je vais sauter du... de l'édifice pour me tuer finalement. Mais n'ayez pas être triste. Ne soyez pas triste parce que Foxconn va vous payer beaucoup d'argent. Et donc maintenant votre fils, donc le gars, va pouvoir vous donner de l'argent dans le fond. C'est ça. Si on décide pas faire ça. Puis ça dit plus tard dans l'article, j'ai de la misère un petit peu à lire comme ça dans l'article parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Mais ça parlait aussi de la couverture dans les nouvelles. Qui avait mené apparemment à entre 6 et 12 des suicides qui ont eu lieu en mai dans cette usine-là. Qui était sûrement lié à la couverture que les médias en ont fait. Donc, peut-être que les médias pourraient arrêter de couvrir ça à outrance comme ils le font. Peut-être que ça aiderait, je sais pas. Mais sinon, qu'est-ce que ça dit aussi? Ça dit que plusieurs compagnies, dont Apple, va déplacer leur manufacturage. Je vais dire ça comme ça. Ils vont faire leurs produits par d'autres compagnies, par exemple au Vietnam, Taïwan, ces endroits-là, pour sauver de l'argent. D'accord. À la place d'augmenter les salaires des autres. C'est ce que je comprends par cet article-là, mais je suis pas un expert dans ces affaires-là. Bref, je voulais quand même revenir là-dessus. Allons-y avec des affaires un petit peu plus joyeuses. Les affaires qui se sont passées sur Internet. Il y a une nouvelle publicité pour Hanes avec Michael Jordan et apparemment que sa moustache fait un petit peu Hitler. Apparemment que sa moustache ressemble à la moustache de Hitler. Fait que je sais que ça n'a rien à voir d'aller écouter l'extrait parce qu'on n'entendra pas sa moustache. C'est n'importe quoi. Ici... Wow, that guy's really staring ouais. over here. Il y a un autre gars qui a une vraie moustache de pornstar à côté. Ça, c'est une moustache. Ce que Michael Jordan a là, c'est plus la continuité de son soul patch. Je te remonte. Yeah. Tu vois-tu? Yeah. Il y a ça. C'est comme la continuité de son soul patch qui sont petits trucs en bas sur son menton. Bref. Fait qu'à vous d'aller juger. Le lien est sur assemblagerequis.com. Sinon, aussi sur le net cette semaine, on retrouve des bandeaux. T'es une fille, tu portes des bandeaux des fois, ouais. Ça arrive. C'est des bandeaux avec des bulles de bande dessinée dessus. Par exemple, BAM, ou encore POW, ou encore, je sais pas, des petites étoiles qui volent. Donc, c'est des bandeaux que tu peux te mettre sur la tête. Et là, ben, tu pourrais dire, par exemple, genre une phrase comme... elle a le genre le petit chapeau qui dit « J'espère que Brad va comprendre ». C'est ça qui est écrit sur sa tête, sur son petit sa petite passe, si on veut. C'est cool. Non? Non. Pas vraiment. Pas tant. Une mode en ce moment sur Internet. Colin, Winham va donc bien mal. Deux secondes. OK. Donc, celui-là, c'est un Tumblr, donc un blog rapide à petite phrase qui s'appelle Dancing Alone to Pony. C'est un Tumblr, donc un site complet qui est dédié à des gens qui dansent sur la chanson Pony de Genuine. Fait que, des gens qui dansent. Encore une fois, comme dans toutes les chroniques autour du net, à la radio, ça passe très bien de regarder des vidéos. Fait que, ils se brassent les hanches, un peu comme dans Judge Clip. Judge Clip qui se... Les hanches. Voilà. Hein, c'est pas toujours des succès, tu sais. C'est un peu le but de la chronique, je trouve, de pas avoir des succès. Prochain. Ah oui, ça c'est génial. C'est deux japonais, donc deux gars japonais qui ont inventé un nouveau jeu. Okay? Donc le jeu, c'est de prendre le jeu Super Mario 64 à la Nintendo 64, et trouver un champignon de vie, un one-up, là, et puis de voir combien de temps ils peuvent passer sans toucher, sans prendre le one-up. Donc c'est vraiment une terreur de cris qu'ils disent sur BuzzFeed. Donc on va écouter un petit extrait de ça. Mamma mia, de Rosario. Des japonais, évidemment, donc on comprendra pas ce qu'ils disent. La vidéo dure environ 7 minutes. Si on avance beaucoup plus loin... Là, il essaie d'éviter le champignon de vie. C'est plus loin que ça. Il est vraiment proche. Si vous avez déjà joué à Mario 64 ou à Nintendo 64, c'est que le champignon te suit. Okay? C'est pas comme dans Mario Bros. 1, mettons, qui va niaiser pendant un petit bout, puis tu peux sauter par-dessus et t'en aller. Le champignon te suit tout le temps. Puis essaie de te pogner. En tout cas. Vraiment le fun. Prochain, c'est sur BuzzFeed encore une fois. C'est une femme qui a appelé le soutien technique parce que tu te rappelles, sur la page de Google, il y avait un Pac-Man que tu pouvais jouer à Pac-Man. Fait que ouais. Là, elle appelle puis elle dit: mais là, comment ça fait qu'il y a un Pac-Man? Elle se demande c'est quoi. Hey, this is Brian with Builder Support. Je sais pas si elle appelle genre sa compagne d'ordinateur ou. I had a message to give you a call. Yes, I have. I was just installing something. I have the Pac-Man game, and I want to disable that on my homepage. Elle dit, j'ai un jeu de Pac-Man et je veux l'enlever de ma page d'accueil. I'll go away tomorrow. Fait que le gars, il répond, genre, ben, allez-y demain, puis il sera plus là. Comment ça se fait pour ça aller demain? It actually says Google on the Pac-Man game. That's just because that's what Google put there. C'est ce que Google a mis là parce que c'était la journée de l'anniversaire de Pac-Man. Et là, la conversation continue pendant là, un bon 6 minutes. De la fille, elle comprend pas comment ça se fait que Pac-Man est là. Puis là, je sais pas, elle veut plus avoir ça, elle veut s'en débarrasser. Fait qu'elle a écouté l'appel. Elle s'est jamais rendu compte que sur Google, ça change tout le temps, ce qu'il y a là? Ben, c'est ce que je me demande. Mais sûrement qu'elle s'en rend pas compte parce qu'à un moment donné, tu sais, quand tu vas sur Google et que tu tapes des recherches, puis le logo change un peu des fois plus que d'autres, ben peut-être que tu t'en rends pas compte. Je sais pas. Tu sais, quand t'es une personne d'âge. Tu sais. Non, en tout cas. Il y avait une autre mode sur Internet. Il y en a beaucoup d'humour en ce moment. C'était un concours de Photoshop pour prendre une fois une personne, une vedette, mettons Scarlett Johansson, et la faire s'embrasser elle-même. Donc le Photoshop, c'est de mettre deux fois la même personne pour l'embrasser elle-même. T'sais. Ouais. Fait que, allez voir les photos. Scarlett Johansson, qui est en position numéro 1 de ce chose-là. C'est pas très riche. Ben, c'est pas super. Ok, j'aime ça, mais c'est pas super bien fait, par exemple. Ben, mais là, tu vois tous les pixels, là. Ouais, c'est pas là que je regardais au début, par exemple. Ouais. J'aurais pas marqué les pixels. Puis, en tout cas, c'est ça. Fait que, c'est sur Reddit. J'aime ça. Je sais pas si t'as vu. Est-ce que t'as vu la vidéo du reboot de Mortal Kombat? Non. Mortal Kombat, tu connais la série de jeux vidéo? Oui. La bande-annonce est vraiment malade. Je vous l'ai mis en lien si vous n'avez pas encore vu ça, mais allez-y, parce que ça vaut vraiment la peine. C'est très, très bon, je trouve. Pour un film de jeux vidéo, je trouve que ça a vraiment l'air bon, t'sais. C'est rare. C'est très, très rare. Je vais sauter par-dessus quelques trucs. Il y a un gars qui... en fait, c'est un handicapé. Il a quelle maladie, déjà? En tout cas, il y a une maladie que je ne me rappelle pas. Puis le gars, dans le fond, il a construit une espèce de truc pour pouvoir jouer à des jeux vidéo avec un sac de riz puis du papier collant pour pouvoir être capable de contrôler le joystick tout en étant incapable de le faire normalement. Je trouve ça vraiment bien. Allez voir la vidéo est sur assemblagerequis.com. Google Earth nous fait faire une petite tournée de chaque stade qui va accueillir la Coupe du Monde. On parlait de soccer / football, dépendant de où tu vas. Donc Google nous fait visiter ces différents stades-là avec volume ici. Tiens, voilà la musique qui est pas très... En tout cas. Fait que c'est ça, en 3D, vraiment, c'est super bien fait. Allez voir ça. Le lien est, comme toujours, sur assemblagerequis.com. L'autre, c'est stickwithmebaby.com, qui est un site qui vous offre d'acheter des moustaches autocollante pour coller sur votre, par exemple, sur votre ordinateur, comme le logo d'Apple, mettons, tu sais. Mettre ta petite moustache dessus, ça fait vraiment cute. Différentes affaires écrites dessus. Comment? Je suis pas sûr que c'est vraiment cute des moustaches. Non. Non, moi j'aime ça. Mais c'est comme ça qu'ils se font tatouer une moustache sur le doigt. Pour pouvoir mettre leur doigt devant. Là. Ouais! T'as pas vu sur Facebook mes belles photos moustaches? Non, faudrait. Hein. Et on a fait une séance photo moustache. Ouh! Tu peux continuer. C'est ça. Donc, c'est Stick With Me Baby. Et puis, dans le fond, c'est ça. C'est juste la moustache qui vous donne. Mais sur le site, vous pouvez choisir avec différents noms. Par exemple, El Capitan. Tu sais, ils ont tous des noms. Chacune des moustaches a un nom. C'est vraiment très, très bien. Si vous avez vu le nouveau iPhone 4 et vous voulez savoir de quoi on a l'air les nouvelles photos avec le nouvel appareil photo qu'il y a dans le iPhone 4, il y a une galerie sur assemblagerequipe.com via Gizmodo. Il y a un petit œuf de Pâques. Tu connais les Easter Eggs? Oui. Des affaires cachées que t'étais pas trop supposé savoir à moins de le chercher mais comme fou ou de tomber dessus par hasard. Sur Google, si tu tapes plusieurs affaires qui ont rapport avec la Coupe du Monde, World Cup, si tu cherches World Cup sur Google, à la place d'avoir, tu sais, G-O-O-O-O-O, G-L-E, tu sais, en bas de la page pour choisir ta page, là, où aller, à la place, c'est Goal. G-O-O-O-A-L. Et un point d'exclamation. J'adore ça. C'est vraiment génial. 112 fonds d'écran. Avec des genres de ça ressemble à de l'huile, ils appellent ça oily wallpapers. Donc si vous voulez comme avoir un beau petit fond d'écran qui est comme un hommage à ce qui arrive dans le golfe du Mexique en ce moment. 112 de ces fonds d'écran là, toujours sur assemblagerequipe.com. Et je pense que ça va devoir faire le tour hein, parce qu'on arrive à proche de la fin de l'émission. Donc je saute par-dessus les deux articles que je voulais vous parler un petit peu et vous allez pouvoir les lire sur assemblagerequipe.com. Entre autres, l'iPad qui sert de pont à la communication entre les humains et les dauphins. Et les jeunes dépendants à Internet qui se révoltent dans un camp en Chine. C'est l'histoire de 14 jeunes Chinois qui ont été enfermés dans un camp dans la province de Jiangsu pour traiter leur dépendance à Internet. Ils se sont révoltés. Ils ont ligoté leur instructeur à son lit avant de prendre la poudre d'escampette. L'article est sur assemblagerequis.com. Voilà pour la chronique Cynix. Et moi, pour te faire plaisir, j'ai mis ma photo profil Facebook moustache. Pour vrai? Ouais. Ben là, Caroline, va falloir voir ça. Absolument. Ben ouais. Nous, on va écouter un petit peu de Plants and Animals pour presque conclure l'émission. En fait, je pense qu'on va devoir la conclure maintenant. Ça te dérange-tu? Non, absolument pas. Justement, j'ai choisi une chanson qui fitait vraiment avec la fin de l'émission. Vraiment beaucoup. On va aller écouter. On va finir la semaine avec Plants and Animals et la pièce Bye, Bye, Bye. Ah, wow, mais t'es tellement forte. J'adore ton concept. C'est laquelle? Déjà, la Bye, Bye, Bye. Ben ouais. Ouvre le CD avec Bye Bye Bye, Sandra. Ouais. OK. Donc, on se retrouve jeudi prochain entre 15h et 18h pour une autre édition d'Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. Il y a aussi la rediffusion du samedi à partir de 16h, juste après l'émission de Simon. On s'appelle et on déjeune. C'est très, très génial. Je vous le dis encore une fois, il n'y a pas de palmarès ici pour le reste de l'été, donc je ne vous retrouverai pas lundi. Je vous retrouverai directement jeudi. Comme c'est directement l'autre jeudi d'après, avec une semaine de distance, ça va être dur. Hein. Ouais, ça va être vraiment dur. Quoi que moi, je fais ça toutes les semaines, malheureusement. Ah, ben je vais pouvoir savoir de quoi, comment que c'est, tu sais. Ouais. Alors, bonne semaine, Mathieu. Bonne semaine, restez là pour la spirale avec Mathieu Leblanc-Houle dans quelques minutes à peine pour les auditeurs du jeudi. Sinon, ben c'est le vestibule qui s'en vient à 21h. On se quitte avec donc Bye Bye Bye de Plants and Animals. Bye Bye Bye. Bye Bye Bye. Bye. What's gonna happen?